Le Corps national de prêtres catholiques pour la justice de Corée du Sud a publié le 27 courant une déclaration pour dénoncer les autorités qui réclament l'autopsie du paysan Bae Nam-gi, mort par leur répression fasciste.